de fête bouger. Pas connaître sa femme en gros fil cabaye bill. Pas garder gradé pata bouquet pour bail porter charge. C'est devant, c'est devant, c'est devant, c'est devant, c'est devant, c'est devant, c'est devant, c'est devant. Longtemps qu'à vivre à Paris, décider de rentrer en pays, installer bibé, voir la lumière, investir économie, y ouvrir restaurant et bar. Les premiers mois ça a marché bien, client si client, pas même pas libre, à niveau de bruit, mettez-moi. Yon bitin y pa te konne, tout bitin ti ni jalousi. Yon toujou y bezwen paye la gout, ka fè kredi échec sans provision. Boni je tapi, se mura y avè yo, yo komanse ize, ya si kan mesye. Contribution repos, toujou ka doué, 8 mois écoulé, y vin écoulé. Midia Kouai, yon men a ou pa vwey. Midia Pion Malamou, Bozo Mbongo, Yoka, Yoka, Ema, Mouke Dema, Mouke Dema, Yons. Envoyez la boule, il va plus faire beau jeu. Lancez-moi la boule, il va plus faire beau jeu. Après ton camarade en 50 points, gâteau que Bali Maudi. Il va dire qui Maudi est ça. Ça va être Maudi prochain. Ça va être Maudi en 3 mois. Ça va être Maudi en 5 ans. Après ton juif 500 points, il va dire que Bali samedi. Le samedi, la vie est arrivée. Si vous voyez, il ne fait pas Bali. Il fait toujours bien à casa. Pour dire oui, il ne fait pas Bali. Mes propres camarades en nous. Kavoka vini pas là, il a changé tout trois sur. Jusqu'à temps déclarer la guerre, jusqu'à temps déclarer l'ennemi, jusqu'à temps bagarrer ou veille. Qui dit mieux, lancez-moi la boule. Il va plus faire beau jeu. Lancez-moi la boule. Il va plus faire beau jeu. Seigneur, moi pas qu'à comprendre pourquoi nous pas qu'à arriver. Blanc là, qu'à arriver. Chinois là, qu'à arriver. Arabe là, qu'à arriver. Aïe, quand t'as juif là, pas même parler. Seigneur, moi pas qu'à comprendre. Pourquoi nous toujours derrière? Qui dit mieux, lancez-moi la boule. Il va plus faire beau jeu. Et miser sur la couleur jaune. Il va plus faire beau jeu. Et miser sur la couleur rouge. Il va plus faire beau jeu. Et miser sur la couleur blanche. Il va plus faire beau jeu. Et miser quand même sur la couleur noire.